garçon venu d'Afrique, aux grands yeux noirs, cheveux bouclés. Tu me parais plus sympathique que tous les gens civilisés. Petit garçon un peu sauvage, tu joues souvent à moitié nu. Malgré le temps et les orages, petit garçon, que feras-tu? Que feras-tu dans l'existence? Que feras-tu dans l'avenir? Auras-tu droit à notre chance pour être heureux et réussir? Tu joues souvent en solitaire, car tu n'es pas de ce pays. Chacun demeure en ses frontières, depuis l'orgueil jusqu'à l'ennui. Les braves gens ferment leurs portes, il ne faut pas rentrer chez eux. Ils craignent trop que tu apportes l'amour, soleil des malheureux. Que feras-tu dans l'existence? Que feras-tu dans l'avenir? Auras-tu droit à notre chance pour être heureux et réussir? Auras-tu droit à notre chance pour être heureux et réussir? Que feras-tu dans l'existence? Que feras-tu dans l'avenir? Auras-tu droit à notre chance pour être un homme de l'avenir?